j'étais beaucoup élevée par ma grand-mère qui considérait qu'il était vital que tout le monde mange, même quand on faisait des caprices, on avait droit à ce qu'on voulait. Et donc, moi, quand je faisais des caprices, j'avais des pommes de terre, puisque j'adorais les pommes de terre, je me nourrissais essentiellement de pommes de terre. Et donc, si j'aimais pas, c'est ben, je vais te faire des pommes de terre. Bon, pas de problème. Donc, ça marchait bien, et elle avait un rapport à l'alimentation. Elle en faisait une espèce de rituel de partage obligé, de manger ensemble, même si c'est pas l'heure de manger. Mais... Et je me rappelle de dimanche après-midi où les oncles, les tantes venaient jouer aux cartes, discutaient, etc. Et en général, aux alentours de 5h, 5h30, il fallait qu'elle fasse manger les gens. C'était impératif qu'on partage quelque chose et que surtout personne ne parte sans avoir mangé quelque chose. Elle arrivait, elle était assez imposante, elle arrivait avec les deux mains sonnantes. Je lui ai dit, est-ce que quelqu'un a un petit creux? Est-ce que ça dit à quelqu'un de faire des gaufres? Alors évidemment, toutes les mains se levaient à l'unisson. Et alors là, elle était très très contente de pouvoir rentrer dans ce processus rituelique où elle faisait la pâte, où elle préparait les gaufres, où tout le monde venait dévorer les gaufres les uns après les autres. Et elle avait ce rapport à l'alimentation. C'était un moment fondamental de manger ensemble en famille. Et c'était rigoureusement impossible de repartir sans être passé par ce rituel.